j'ai un platine pour tout et celles et ceux qui vivent pour en être sur terre ou aux cieux, tous ceux qui vivent heureux ou peureux et con à tous ceux qui prient avant de se coucher, à toutes celles qui sont rentrées dans le bise sans coucher noir ou blanc, dis-leur et crois-le, se rappeler pour tous ceux qui croient en nous, qui nous encouragent et nous suivent partout. Je voulais aider ces couplets car je sais que le CD n'est pas tout prêt. Respect ceux qui souffrent pour leur enfant, pour toi si t'es sain, les poignets en sang qui sifflent, en sang qui m'écoute en sang. Je prie Dieu pour garder du froid ma famille, le monde, la famille, que ma mère est bonne, mine nos rêves d'être remplis de billets. On dit que la vie nous a niqué mais on se rend pas compte qu'on est pas si mal barré. Merci, on est en pleine santé alors que des pères et sur un lit, des enfants qui vivent meurtris. Le rap ne fait pas tri, j'en place une aussi pour se enfermer, qu'on dû voler pour sortir la famille de la galère et de la misère. Ceux qui niquent le MNR, dédicace à nos pères et nos mères, à tous les frères qu'empêchent le petit fumée, à tous les mecs qui seront un jour blindés car ils ont bien travaillé. Si j'étais riche, j'offrirais un trou aux gens qui dorment dans la rue. Respect, liberté, solidarité et la devise des quartiers, des jeunes solidaires et font preuve de charité. Mais encore, personne le sait ou ne veut pas le savoir, mais juste avoir le pouvoir. Respect, liberté, solidarité et la devise des quartiers, des jeunes font solidaires et font preuve de charité. Mais encore, personne le sait ou ne veut pas le savoir, mais juste avoir le pouvoir. Faut partager, c'est ce qu'on m'a dit. Faut aussi aider les personnes âgées aussi, mais je le fais pas. Et pourquoi? Car on dit qu'on n'a pas le temps pour ça et que c'est pour ça qu'il y a des gens exprès. Merde, on le fait exprès. Respect à ceux qui se mélangent, aux titaniers ou aux anges, à toi qui m'écoute, à ceux qui vivent leur doute, ceux qui s'en foutent, ceux qui prennent pas de poutre, ceux qui ont eu le coup de foot. Respect si t'aimes et mes versets, si t'as percé, le petit verse une larme vers tes parents et pas versé. Sale pensée, c'est. Faut pas se rabaisser devant une cc. Tu sais, fais tes rêves effacés. Fais tout si t'en as assez. Ce couplet t'es dédié. Une pensée à ceux qui vivent en chien, à ceux qui se battent pour une cause. Pas pour une putain, je fais pas de révolte comme Martin, mais je viens parler pour les miens en espérant qu'ils vivent bien. Je resterai mon plus grand fan car je ne fais pas de choses à pas, mais je n'ai jamais frappé de fin. Je garde propre mon âme et ranger mon âme. Je suis le moussoir sur ta joue, collecte ta lame. Respect à ceux qui évitent les drames, au mec courtois avec les dames. Je pense aussi à tous ces sans-papiers qui doivent vivre cachés pour pas se faire emboucaner. Respect à ceux qui ne sont plus décamés, ceux qui se sont calmés. Respect, liberté, solidarité et la devise des quartiers, les jeunes solidaires et font preuve de charité. Mais encore, personne le sait ou ne veut pas le savoir, mais juste avoir le pouvoir. Respect, liberté, solidarité et la devise des quartiers, les jeunes sont solidaires et font preuve de charité. Mais encore personne le sait ou ne veut pas le savoir, mais juste avoir le pouvoir.